Il me saoule ce mec, il me saoule. Franchement. Transfera papel nanga na numero moko na yebite soki na bengi na zwa ka chinois moko soki na lobby allo bonjour azongi cela tanga allo hi ha ntoko solola nini motema mpazie moto dala kyo bena papa lelo papa bomwani akomi tala tonton yo moto dala kyo bena mama lelo mama bomwani akomi vraiment tala petite yo mama mama président Big Master. Motemer comme yon clignote direction Lilita. Oyo conducteur ya vina mole minga. Souci mo konzi ya mitra yanzo toa moto. A te kinga parti par fi par la. Na place oti kanga tanandela e. Batwa ma waba yibata ko yiba. Peut-être bako revide motema oyo. O sale la ma be yango e koma ko fume ye. Ona ba choc ya jambe na yo chéri. Boti kanga inalela na ngaye peut-être ya koyo kama wako zomba au place na zampongi e boko koma na zisa vermote sala kabaskaris pe bamip amone katima mike mike o sambu isinga lokola makila netumba ya basamora ya bepe ndenge te trahe kanga kalibumo ndendengo kokyo kanga balamanga mais au tiki ma ba pleure ba larme bébé. Ndoki ya vina ngeza yo chérie. Mawana yo yo yo yo yo. Mawa yo pe singa ezo envie. Mawa ya moto akufeli papa lundi. Mercredi soir akufeli mama koka mwe. Sante nanga ya min giga soucino. E komisiango 13 mega souffrance. Pacifique Kilo Bravo Patrick Bacala. Docteur Tikoko sa mama kena kobika ye. Oyebi bien naza mourant d'ici là. Ordonnance aux okomela ye. Toi gazongi ya bouti na koubye ye. Pharmacie ya kozongi sa mbongo te. Mbongwe kokyo zunga bangwa tana suka ye. Yamatana na molie ba kotize. Lokuma famina na ha. Mama ye. Pasteur Tikoko sa famille kena kobika ye. Oye bieski de mona zana yango. E uti na ba de monte yangani. Me uti na absensa chéri toi tiki ngaye. Il suffit bobe nga nana ya waye. Une minute ezali ebele na kobika ye. Na kobina pour vous prouver que zaye. Botika kwa kize ba de mwangani ye. Gauss qui est très très fort. Oh. soki ya vinangeza yo chérie ya ya na bafana bibiche makope soki ya vinangeza yo chérie motema pe mabanzo pepito kilala. On lui a souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Danis Soumbo, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Nokia vinangeza yo chérie, Nokia vinangeza yo.